armé. Bloc bloc, commando armé. Bloc bloc, bloc drapeau. Bloc bloc, bloc drapeau. Black accentue l'attitude, black black n'évolue pas en DHH et plus, y'a pas de niveau, non, pour lui y'a pas de championnat, black, ça vient de Torcy, black hostile à bas, black peu et c'est rare, à l'écart, mis je le suis à l'écart, car y'en a marre, marre, de tout c'est au car, car, parle, parle avant départ, pas, si t'as peur de faire sur toi, le duo te fout droit, si t'as peur de faire sur toi, c'est ABD te fout droit, faut écarter les faux, tous ceux qui cassent des hanches, hanches, une plume pure et dure, de même se déhanche, hanches, ROS explicite écriture, ça démoque moi 7 dans mon 7-7, viens faire un tour, prendre la température, Luxel et Maldé, commando armé, ça démonte mon. C'est commando armé, plein drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est commando armé, plein drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. Danger nous la mettre, c'est se frotter au grattoir. Ça flambe comme des allumettes, sauf aux interrogatoires. On contrôle comme le pétrole, il t'étonne notre territoire. Les bras se lèvent pour contrôler celui du but de la victoire. Nous ce qu'on kiffe et ce qu'on veut, c'est les sous derrière le comptoir. Coopère, on t'opère, bienvenue au laboratoire. Des oreilles collent aux bouches pour nos vies plus sans savoir. On vit plus sans savoir ce que demain on va avoir. Notre vécu se baigne et se lève dans les gradins, l'espoir. Commando blague pas présent pour te faire bouffer le trottoir. C'est commando armé, blague à beau, pas pour les blagues. Les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est commando armé, black drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est Las Vegas parano et le black drapeau. On est 4 sur but, mais c'est tout le commando. En temps de guerre, là je demande le plus crasso que chez eux on tape un saut pour un putain d'assaut. 77, get, get, les têtes sur les compètes. Coup de par choc, menottes, les keufs nous pètent. Menottes, les keufs nous pètent. Pico, négro, les keufs nous pètent. BL, drapeau, les keufs vous pètent. CO, armé, les keufs nous pètent. Mais c'est pas grave, de haut d'arrivée on l'endette. La nuit tombe dit, tu frappes, je te kill, on est quitte. Mon terre-terre, tu quittes. Attends une seconde, tu reviens d'un ici pour pécho ta barrette de shit. C'est commando armé, black drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est commando armé, black drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est commando armé, black drap, quand t'ouvres ta grande gueule, pense en le grand gueule. Les bastons sont des gueules, las comme un noir en slip, comme un beurre en plomb. Tout le monde pète les plombs, ça tire même plus au plomb. Appelle-moi quand le plan est bon, quand tu descends de la scène, bah on monte sur la piste. Quand vous êtes deux, on est six, quand tu recules, on insiste. Vas-y, fuck les racistes, tiens, c'est A et la BD, on fait du bis à le PD. C'est attendu comme un parloir sauvage, on a trop la rage. Pour tous mes frères en cage, comme une pute qui fait le racolage. C'est black grad, black tune, black 16. On voit pas de cesse, fuck le ACS. C'est commando armé sur un putain de cesse. C'est commando armé, black drapeau, pas pour les black tapettes, ni les white tapettes, ni les beurre tapettes, c'est pas pour les traitements. C'est commando armé, black drapeau, pas pour les black tapettes.